الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أما بعد حذر الله عباده من الظلم ونهاهم عن ذلك أشد النهي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث أخرجه الإمام مسلم الظلم يا عباد الله وضع الشيء في غير موضعه والجور وكما سمعت حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام ظلم العبد بالإشراك بالله تعالى وهو أشد أنواع الظلم العبد إذا وضع حق الله سبحانه وتعالى في غير موضعه بأن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه وأشرك بالله العظيم قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم الشرك بالله أظلم الظلم وأكبر الكبائر القسم الثاني ظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصي هذه النفوس أمانة أمانة عند الله وتسأل عنها يوم القيامة خلقت لعبادة الله ولطاعته سبحانه وتعالى لإفراده بالعبادة فمن صرف أو فمن أذنب ظلم نفسه لأنه لم يسعى لإنقاذ نفسه من النار قال سبحانه فمنهم ظالم لنفسه أي بفعل المعاصي وترك الواجبات القسم الثالث الظلم بين العبد وبين عباد الله قال الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة بمثلها وجزاء سيئة سيئة بمثلها أو مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ومن صور الظلم ظلم العباد بعضهم بعضا السحر والتفريق بين الأحبة والتفريق بين المرء وزوجه وإفساد حياة الناس بالسحر وهذا كفر بالله العظيم والعياذ بالله ومنه ظلم العباد في دينهم والغش وإفساد أديانهم كفعل دعاة الباطل بصرف الناس عن منهج النبوة من ظلم الناس بعضهم بعضا ظلم الناس بالألسن كالغيبة والنميمة يفرق بين الناس ويمشي بين الناس ليفسد بينهم وينشر البغضاء بينهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه. ومن الظلم السباب وشهادة الزور وقذف المحسنات المؤمنات. ومن أنواع الظلم باليد السرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق. رواه البخاري ومسلم. ومن أنواع الظلم الغش والخيانة كفعل المنافقين. ومن أنواع الظلم عدم العدل بين الأولاد. ومن أنواع الظلم الظلم الذي يقع بين الزوجين بمنع حق الغير، أو ظلم أم الزوج لزوجته بالتنقصها أو الطعن فيها وعدم إكرامها. عباد الله، عاقبة الظلم سيئة، عاقبة الظلم وخيمة، وآثارها شديدة أليمة في الدنيا والآخرة، والنصوص كثيرة في ذلك. صاحب الظلم يهلكه الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتاب الكريم: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الظلم لا يحبه الله، الظالم لا يحبه الله، قال سبحانه: والله لا يحب الظالمين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم تلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه شديد، إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري ومسلم. الله يدعونا، ربنا سبحانه وتعالى يدعونا في كتاب الكريم إلى تدبر عاقبة الظالم. قال سبحانه: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ماذا حصل لفرعون؟ ماذا حصل لفرعون؟ الغرق. ماذا حصل لقارون؟ خسف به الأرض. عباد الله، اتقوا الله سبحانه واتقوا الظلم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما خرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظالم لا يطمئن في الدنيا ولا يرتاح في الآخرة، وغالبا يختم له بالسوء يوم القيامة، الظالم يفضحه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأخذ حق الغير بغير حق يأتي يحمله يوم القيامة. متفق عليه من حديث أبي سعيد. بعض الناس يظنون عن أنفسهم أنهم هم الأذكياء، لأنهم ظلموا الغير ومكروا، هم متسترون، فالله سيفضحهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق. فكر في الناس ونسي العزيز الجبار. في الدنيا قد تختفي عن الناس وتتستر عنهم، لكن يوم القيامة أين المفر؟ أين المفر؟ ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذي علم كل شيء سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير. يا من سرق، يا من ضرب الضعفاء، يا من يبيع المحرمات كالخمور والدخان والمخدرات، أنت ظالم لنفسك ولغيرك، وستقف غدا عند الله سبحانه وتعالى بين يديه. ومن سوء عاقبة الظالم كثرة الشهود عليه يوم القيامة. الأرض يشهد عليه، يومئذ تحدث أخبارها أركانه أعضاؤه فخذه يده تشهد عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الظالم يوم القيامة يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول العبد يا ربي لا أقبل إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله كفى بنفسك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه أي على فمه ثم تؤمر أركانه فتنطق أي تشهد عليه. الجلد يشهد، الجلد جلدك يشهد عليك. قال الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقنا الله. فعلينا يا عباد الله أن نتقي عاقبة الظلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من أهل العدل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى dans son livre nous met en garde contre l'injustice. Tout comme le prophète صلى الله عليه وسلم dans la tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah nous dit, c'est donc un hadith, atam divin, hadith qudusi, ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue entre vous interdite. Alors n'opprimez personne. L'injustice consiste à placer une chose où elle ne devrait pas l'être, et à dépasser les limites, et à opprimer les gens. Et comme vous avez entendu dans le premier hadith, c'est interdit dans l'islam. Et l'injustice se divise en trois. Le premier type d'injustice est l'injustice du serviteur en adorant un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et en donnant le droit d'Allah à une personne parmi ses créatures ou à une chose. Allah nous dit à cet effet, certes, le polythéisme est une énorme injustice. C'est une injustice car tu as donné le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à une de ses créatures. C'est une injustice car tu as rendu la créature faible l'égale du créateur tout-puissant subhanahu wa ta'ala. Et cette injustice-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne la pardonne pas. Et c'est le pire péché, il n'y a pas de péché plus grave que cette injustice. Le deuxième type d'injustice est l'injustice que le serviteur se fait à lui-même, c'est-à-dire les péchés. Le troisième type d'injustice, c'est l'injustice entre les serviteurs. C'est l'injustice entre les serviteurs. Et c'est notre sujet ici. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans le Coran qu'il n'aime pas les injustes. Il n'aime pas les injustes. Et les sortes d'injustices sont très nombreuses. Parmi celles-ci, la sorcellerie. Celui qui commet la sorcellerie, qui fait du mal aux gens, et toute la sorcellerie est un mal et de la mécréance. Il sépare entre l'homme et son épouse et répand le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi l'injustice, il y a le fait de tromper les gens dans leur religion et le fait de les appeler à un chemin autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui appellent à l'innovation, comme ceux qui trompent les musulmans et qui répandent des ambiguïtés dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les rangs des musulmans, et qui réussissent à propager cela auprès des ignorants. Mais alhamdulillah, à chaque époque Allah tabaraka wa ta'ala mais des gens de la sunna pour répandre la vérité et contrer le faux. Parmi l'injustice, il y a l'injustice commise avec la langue, comme le fait de mentir sur les gens, comme le colportage, le fait de marcher d'un groupe à un autre afin de diviser les musulmans et de répandre la haine dans leur rang. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'entrera pas au paradis celui qui commet ce péché, le colportage, al-namima. Parmi l'injustice, le faux témoignage, le faux témoignage et le fait de mentir sur les gens. Parmi les types d'injustice commises avec la langue, le fait de parler sur les femmes chastes, les femmes musulmanes, et de les accuser de la fornication et d'autres péchés, Parmi les types d'injustice avec la main, le fait de voler le bien des gens, leur argent et ceux qui leur appartiennent. Parmi les types d'injustice, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant le vol, qu'Allah maudisse celui qui a volé. Parmi les sortes d'injustice, le fait de tromper les gens. Le fait de tromper les gens, et cela fait partie des actions des hypocrites. Parmi les types d'injustice répandues, le fait de ne pas être juste entre ses enfants. Le fait de ne pas être juste entre ses enfants rentre dans l'injustice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, que le prophète sallallahu alayhi, contre le quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Parmi les types d'injustice, l'injustice de l'homme envers son épouse, en lui enlevant ses droits, ou en la chargeant au-dessus de sa capacité, ou l'injustice de l'épouse envers son mari, en ne lui donnant pas ses droits, en ne le respectant pas, en l'insultant. Parmi les types d'injustice, il y a le fait de tromper les gens, de vendre de mauvaises choses, comme l'alcool, comme la cigarette et comme les drogues. Ceux-là sont des injustes. Ceux-là sont des injustes et ils répandent le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils répondront de leurs actions yawm al-qiyamah, ce jour où personne ne pourra se cacher. Et ce jour où tout sera dévoilé. Et la finalité de l'injustice dans ce bas monde et dans l'au-delà est mauvaise et douloureuse. Allah tabaraka wa ta'ala anéantit les injustes tôt ou tard. Chaque peuple qui a été anéanti de l'époque de Nuh alayhi salam jusqu'à notre époque, cela est dû à leur injustice. Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas les injustes. Et lorsqu'il laisse l'injuste faire, c'est pour mieux le châtier par la suite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah laisse un certain temps à l'injuste. Et lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset qui nous montre que lorsqu'Allah châtie un peuple, il le châtie douloureusement, il le châtie avec dureté. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre appelle ses serviteurs à méditer sur la finalité des injustes. Où est passé Fir'aoun? Où est passé Qaroun? Fir'aoun a été noyé. Et yawm al-qiyama, il recevra le plus dur châtiment. Qaroun a été enseveli dans la terre. Où est le peuple de Lout? Allah les a élevés, les a retournés et les a lapidés. Où est le peuple de Ad? Où est le peuple de Samoud? Tous ces injustes, Allah tabaraka wa ta'ala les a anéantis. Donc, chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, craignez l'injustice et sa finalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'injustice sera les ténèbres le jour de la résurrection. Celui qui vit dans l'injustice ne sera jamais tranquille, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà, car il est injuste envers les serviteurs d'Allah. Et les serviteurs d'Allah vont invoquer Allah contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: da'watul mazloum mustajab, laysa baynahu wa bayna Allah hijab. L'invocation de l'opprimé est acceptée chez Allah. Il n'y a pas entre elle et entre Allah de voile. Donc si tu opprimes les gens, ils invoqueront Allah contre toi. Et Allah exaucera leur dua contre toi. Le jour de la résurrection, Allah va dévoiler l'ensemble des injustes. Personne ne pourra se cacher. Personne ne pourra se cacher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prend le droit des autres viendra yawm al-qiyamah et il portera ce qu'il a pris sur lui. Allah va le dévoiler devant l'ensemble des créatures, de la première à la dernière. Certaines personnes se pensent plus intelligentes, certaines personnes se pensent plus fortes que les autres, car ils arrivent à tromper les gens, à les voler et à les opprimer. Mais lorsque tu vois cette force sur toi, rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala est plus fort que toi. Et lorsque tu te caches des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de les tromper, rappelle-toi qu'Allah te voit. Et ce jour-là, il te dévoilera devant l'ensemble de ses créatures. Celui qui a volé les gens, celui qui a frappé les faibles, celui qui a vendu des substances illicites comme l'alcool, comme la cigarette, comme les drogues, qu'il sache qu'il est injuste envers lui-même et envers les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah va le faire venir yawm al-qiyamah et il le questionnera sur ce qu'il a fait dans ce bas monde. Et cela devant l'ensemble des créatures. Parmi la pire situation que recevra l'injuste, c'est qu'il y aura de nombreux témoins contre lui yawm al-qiyamah. En premier lieu, lui-même, ses membres, ses jambes, sa main et l'ensemble de ses sens témoigneront contre lui. Sa peau va témoigner contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'injuste va venir yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, et il va dire: « Ô mon Seigneur, ne nous as-tu pas promis de nous mettre à l'abri contre l'injustice ?» Allah dira: « Certes. » Alors le serviteur dira: « Moi, je n'accepte aucun témoin contre moi si ce n'est moi-même. » Allah va lui dire qu'il en soit ainsi. Et on va sceller sa bouche, il ne pourra plus parler. Et on va ordonner à ses membres de s'exprimer. Et ses membres vont dire tout ce qu'il a fait dans ce bas monde. Tes mains vont parler, tes jambes vont parler, tes cuisses vont parler. Tout ce que tu as fait sera dévoilé ce jour-là devant l'ensemble des créatures. Ta peau va témoigner contre toi comme Allah nous le dit dans le Coran. Tout cela pourquoi? Car tu as été injuste envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala en te cachant des créatures et tu as oublié le créateur. L'injuste sera le plus gros perdant le jour de la résurrection. Allah nous dit dans son livre: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا. Et les visages seront humiliés devant le vivant Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, et celui sans qui personne ne peut subsister, et sera perdant celui qui portera une injustice. Ce jour-là, tu ne pourras pas t'excuser. Ce jour-là, tu ne pourras plus demander pardon. C'est dans ce bas monde que tu dois te repentir avant que la mort ne se présente à toi. Et yawm al-qiyamah, tu vas rendre tout ce que tu as pris, mais il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'argent. Les gens vont venir voir l'injuste et ils vont dire: Ya Allah, un tel m'a opprimé. Alors Allah va lui dire: prends-lui de ses hasanats. Sers-toi de ses hasanats. Ensuite, le deuxième serviteur va venir: Ya Allah, un tel m'a opprimé. Allah lui dira: prends-lui de ses hasanats. Cet homme, lorsqu'il a vu ses hasanats, pensait qu'il allait réussir et rentrer au paradis. Et il ne lui restera plus de hasanats. Alors Allah va dire: donnez-lui de vos péchés. Et ils vont venir et ils vont lui déposer leurs péchés jusqu'à ce qu'ils tombent en enfer. Wal'iyadu billah. Voici la destination de l'injuste. Voici la rétribution de celui qui a opprimé les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Allah nous dit: ce jour-là ne sera pas profitable l'excuse de l'injuste. Et il aura la malédiction et la mauvaise demeure. Celui qui a commis des crimes sur ce bas monde, écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui s'est fait assassiner dans ce bas monde arrivera yawm al-qiyamah avec la tête de son assassin dans sa main. Il arrivera avec la tête de son assassin dans la main et le sang coulera. Il dira: Ya Rab, sel hada fi ma qatalani. Ô mon Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a tué. Alors Allah lui dira: pourquoi est-ce que tu as tué mon serviteur? Alors le serviteur répondra: Litakuna al-izza li fulan. Il ne pourra pas mentir. Il dira pour que la puissance revienne à un tel. Regardez comment Allah Azza wa Jal va humilier les anges ce jour-là. Tu ne pourras pas te cacher. Tu ne pourras pas te sauver. Tu ne pourras pas venir pleurer. Il n'y aura aucune excuse. Tu as lu le Coran. Tu as entendu le discours. Tu n'as plus aucune excuse. Et demain, tu vas te retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas répondre de tes actions. Alors repens-toi pendant qu'il en est encore temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les musulmans ne sont que des frères. Il a interdit la jalousie. Il a interdit le fait de se tourner le dos. Il nous a interdit l'injustice. Et il a fini en disant, innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Et l'injustice est interdite envers le musulman et envers le non-musulman. Car notre religion est la religion de justice. Notre religion est la religion de justice. Et celui qui trompe les gens dans ce bas monde et qui se cache et qui triche, il ne pourra pas se cacher yawm al-qiyama. Car le juge ne sera pas les gens. Le juge sera Allah Azza wa Jal. Et Allah sait tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait et tous les gens que tu auras égarés dans ce bas monde. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل سوء ومكروه اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين اللهم ارض عن الصحابة الطيبين الطاهرين أبا بكر عمر عثمان وعلي وسائر أصحاب الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان في سوريا وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت استوت راسه سد الخلل وقارب بين الصفوف وهاد بين المناكب والأقدام ثم الصف الأول فالأول ما كان من نقص فليكن في الصف الأخير تراس وسغ لهم resserrer les rangs. S'il n'y a plus de place pour ceux qui sont dehors, resserrer les rangs et dépasser les lignes. Istawu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.